3, 2, 1, ils sont partis. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Good morning, Vietnam! So, back to it. Cours, Forrest, cours! You know nothing, Jon Snow. Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinéparc. Le disco est un phénomène culturel qui est devenu extrêmement populaire aux États-Unis au milieu des années 70, dont le public initial est issu des communautés afro-américaines, latino-américaines et italo-américaines vivant à New York et à Philadelphie. La musique disco est le résultat d'un mélange de funk, de soul et de pop, enrichi par une orchestration électronique comprenant des cordes et des cuivres, puis des synthétiseurs. Ce genre, dont la principale destination était le public des discothèques, sera une musique de danse qui se popularisera parmi de nombreux groupes de l'époque ayant une certaine notoriété, tels The Village People et les Bee Gees. En 1972, le groupe hispano-américain Barrabás contribuera à l'émergence du disco avec la chanson « Woman ». Puis, en 1974, apparaîtra Tom Moulton qui remixera des milliers de titres et sera à l'origine de plusieurs innovations comme la version allongée et les chansons mixées en continu, ce qui amènera à créer le format du 12 pouces single et maxi 45 tours ou encore le maxi 33 tours qui comprendra en général un seul morceau par face, souvent rallongé par rapport à la version originale du 45 tours normal. Puis, en 1976, le genre disco fera alors totalement partie du paysage, surtout grâce à l'arrivée du disco électronique avant de connaître une explosion de popularité sans précédent avec la sortie du long-métrage de 1977 « Saturday Night Fever » dont l'album de la trame sonore du film sera classé au top des ventes pendant plus de 24 semaines avec plus de 25 millions d'albums vendus, faisant de l'année 1978 une année record en matière de vente de disques. Dans ce film, apparaîtra le personnage de Tony Manero, un jeune boutiquier d'origine italienne, dénigré par sa famille, mais adulé par son groupe d'amis qui ne vivent que pour les clubs de danse disco où ils font sensation et qui rêvent de remporter le premier prix d'un concours de danse et ainsi devenir un danseur professionnel. Ce sera en 1983 que l'on pourra assister à l'accomplissement de ce rêve dans le film Staying Alive du metteur en scène Sylvester Stallone. Donc, accompagnez-moi en direction de la ville de New York et prenez la direction de la discothèque la plus proche, car je vous propose un voyage dans la vie sombre et remplie de défis d'un jeune Italien dont le seul rêve est de prouver qu'il a sa place dans la société malgré le bas niveau de classe sociale de sa famille et que tout rêve peut devenir réalité si on réussit à passer à travers les épreuves difficiles qui sont placées sur notre chemin. No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. Symbols. We're all familiar with them. There are shortcuts to vital information. That's why, to familiarize you with the movie rating symbols which will be used by this theater, we present the following guide for parents and young people. It is designed to inform parents about the suitability of movie content for viewing by their children. G, all ages admitted, general audiences. GP, all ages admitted, parental guidance suggested. R, restricted, under 17 requires accompanying parent or adult guardian. X, no one under 18 admitted. Screaming Wills Roller Rink now has an all-night skate from 12 midnight to 6 a.m. for 18 and over plus free breakfast. Screaming Wills Roller Rink, all-night ramble 375. Here's a reminder about Wednesday from 9 until 3 a.m. Ladies free the first hour, men's free the first hour, and free barbecue. Screaming Wills Roller Rink, we do it all for you. It's the prettiest rink in the Midwest. Can we see you this weekend? Spinning, motion, moving, swirling, surging, swerving, action, chic, 2001 Odyssey Disco, panoramic, motion, freestyle, real, energy, moving, driving, chic, the home of Saturday Night Fever, 2001 Odyssey Disco, it's the ultimate disco, 8th Avenue and 64th Street, in the heart of Brooklyn, 2001 Odyssey Disco, it's not just something in the movie. 2001 Odyssey Disco, be there tonight. The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime. Out of life. Go out to a movie. Twice, this race today, and dance at the disco. Well, I mean, I could dance with you, but, you know, you're not my dream girl or nothing like that. Are you as good in bed as you are on that dance floor? There's no way you make it with some of these chicks. They think you gotta dance with them. He's very good, yeah. He's the best. Hey, man, he's great. He's the king out there. John Travolta in Saturday Night Fever. She can dance, you know that? She's got the wrong partner, of course, but she can dance. Okay, listen. I like it. We could dance together. That's it. We could just dance together and nothing more, nothing personal. It can't last forever. It's a short-lived kind of thing. But I'm getting older, you know, and you know, I feel like, you know, so what? I'm getting older. Does that mean like I can't feel that way about nothing left in my life, you know? Is that it? Saturday Night Fever, ou La fièvre du samedi soir, est un drame qui a été distribué par les studios Paramount Pictures le 14 décembre 1977. Ce film américain d'une durée de 119 minutes coûtera plus de 3,5 millions de dollars à produire, mais amassera plus de 237,1 millions de dollars à travers le monde entier. Derrière la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène John Badham, ce réalisateur britannique qui réalisa les films War Games, Short Circuit, Dracula, version 1979, et Blue Thunder. Au niveau de la production, on y retrouve le producteur australien Robert Stigwood, ce dernier ayant produit les films Tommy, Jesus Christ Superstars et Grease. Finalement, ce sera le scénariste américain Norman Wexler qui travaillera ici sur le scénario de Saturday Night Fever, ce dernier ayant travaillé sur des films tels que Serpico, Raw Deal et Staying Alive. Au niveau de la distribution, eh bien, nous y retrouvons John Travolta, Karen Lynn Gourney, Barry Miller, Joseph Kelly, Paul Pape, Donna Pescau, Bruce Ornstein, Val Bisoglio et Julie Bovasso. Un adolescent de Brooklyn, cherchant à oublier les tracas d'une vie banale ainsi qu'un climat familial oppressant, fréquente tous les samedis soirs les discothèques new-yorkaises où il révèle ses talents de danseur. Ayant décidé de participer à un concours de danse, il offre alors à une inconnue ambitieuse de lui servir de partenaire, mais cette dernière chamboulera sa vie et lui fera prendre conscience qu'il peut sortir des horizons limités de son quartier. En 1976, un producteur australien de 42 ans, du nom de Robert Stigwood, signera l'acteur John Travolta pour un contrat d'1 million de dollars pour la production de 3 films. Bien qu'il ne soit pas une vedette de cinéma à cette époque, le jeune Travolta connaissait déjà la popularité grâce à son rôle de Vinnie Barbarino dans le sitcom de ABC « Welcome Back, Cotter », qui sera diffusé de 1975 jusqu'en 1979. Cette série télé suivait les aventures d'un enseignant du secondaire responsable d'une classe de rattrapage racialement et ethniquement diversifiée appelée les « Sweat Hogs ». Ayant rencontré le jeune acteur 5 ans plus tôt, alors que ce dernier s'était présenté à une audition pour le film Jesus Christ Superstar, Stigwood voulait à l'origine que Travolta soit la vedette principale de l'adaptation cinématographique de Grease, une pièce théâtrale musicale qui était présentée sur les planches de Broadway depuis 1972 et dans laquelle Travolta était déjà apparu dans le rôle de Doody. Cependant, l'option de Stigwood pour Grease stipulait que la production ne pouvait pas commencer avant le printemps 1978, car la comédie musicale était toujours aussi populaire sur Broadway, forçant ainsi le producteur à trouver un nouveau projet pour le jeune acteur qui venait tout juste de terminer ses séquences sur le film de 1976, Carrie. Quelques mois auparavant, un critique de rock anglais du nom de Nick Cohn avait publié un article de magazine intitulé Tribal Rights of the New Saturday Night. Paru en juin 1976 dans le magazine New York, l'article suivait le rituel du samedi soir d'un groupe d'Italo-Américains de la classe ouvrière de Brooklyn qui occupaient des emplois sans avenir, mais qui vivaient pour leur nuit de danse tous les samedis soirs dans une discothèque locale appelée 2001 Odyssey. Dans les années 1970, il était impensable de voir un producteur acheter les droits d'un article de magazine pour un film, mais Tribal Rights avait attiré suffisamment d'attention pour que le producteur Ray Stark, qui avait produit le film Funny Girl, et quelques autres cherchent à s'approprier le dit article. L'écrivain Nick Cohn avait fait la rencontre de Robert Stigwood à Londres alors que ce dernier travaillait pour la compagnie RSO Records et décidera alors de lui vendre ses droits pour un montant de plus de 90 000 $. Il fallait maintenant trouver un réalisateur. Le producteur Robert Stigwood s'était spécialisé dans le domaine du musical, ce dernier ayant produit des œuvres théâtrales telles que West End, Jesus Christ Superstars, Hair, ainsi que Grease, avant de faire le saut au cinéma avec la version cinématographique de 1973 « Jesus Christ Superstars », qui sera suivie 3 ans plus tard par Tommy, une comédie musicale rock écrite par le groupe The Who et qui fut mise en scène par le metteur en scène britannique Ken Russell. Fort de cette expérience, le producteur fera appel à un jeune assistant de 23 ans, Kevin McCormick, afin de lui trouver ce metteur en scène. McCormick n'avait alors aucune expérience cinématographique à ce moment-là, mais accepta le nouveau défi, ce dernier ayant fait la connaissance de Stigwood alors qu'il travaillait également pour la compagnie RSO Records à Londres. Ce sera après le visionnement du film Rocky que McCormick signera un accord avec le vice-président exécutif de la production chez Warner Brothers afin d'obtenir les services du réalisateur américain John Avildsen. Suite à son embauche, le réalisateur fera alors appel au scénariste Norman Wexler, qui avait remporté sa première nomination aux Oscars pour le scénario de Joe, réalisé en 1970, et mettant en vedette l'acteur Peter Doyle. Wexler avait également co-adapté Serpico, le roman de Peter Mas, pour l'écran, ce qui lui vaudra une deuxième nomination aux Oscars. Mais Wexler était un maniaco-dépressif qui, bien qu'extrêmement sympathique, pouvait devenir extrêmement violent et était connu pour porter parfois une arme à feu sur lui. Malgré cela, McCormick sera ravi du scénario final de 149 pages présenté par le scénariste. Ce dernier sut créer une situation familiale italo-américaine réaliste tout en jetant un regard précis sur la relation difficile entre les hommes et les femmes de cette époque des années 1970 dans des milieux défavorisés. Lorsque John Travolta recevra sa copie du scénario, ce dernier cherchait par tous les moyens à se frayer un chemin à Hollywood dans le domaine cinématographique. Mais sa popularité sur la série télé Welcome Back, Cotter lui nuisait considérablement car ABC recevait plus de 10 000 lettres de fans par semaine juste pour lui et refusait de le laisser quitter son rôle. ABC cherchera même à le convaincre de jouer dans sa propre émission de télévision basée sur son personnage célèbre de Welcome Back, Cotter, mais Travolta refusera, craignant de devoir abandonner son rêve d'obtenir un jour un rôle majeur au cinéma. En 1976, Travolta, alors qu'il était âgé de 22 ans, fera la rencontre de l'actrice Diana Hyland, qui, elle, avait 40 ans. Cette dernière interpréta le rôle de sa mère dans le téléfilm diffusé sur ABC, The Boy in the Plastic Bubble, dont l'histoire véridique suivait un jeune adolescent né sans système immunitaire. Le film sera diffusé le 12 novembre 1976, au moment même où une romance se développera entre Travolta et Hyland, au grand découragement de l'entourage des deux tourtereaux. Ce sera Hyland qui persuada Travolta d'accepter le rôle de Tony Manero dans Saturday Night Fever. Bien qu'il ait été intéressé par la danse dès un jeune âge, Travolta ne se considérait pas si bon danseur et sa nouvelle compagne le convaincra alors de se trouver un professeur et d'apprendre la danse du disco. Pendant ce temps, Stigwood avait de la difficulté à se trouver des financiers pour sa nouvelle création et décida d'avancer lui-même les quelques 2,8 millions de dollars nécessaires à la production. Cette production se développera alors à une vitesse vertigineuse car la pré-production du tournage de Grease devait débuter avant la fin de 1977. Après 6 mois de préparation, de graves problèmes surviendront alors avec le réalisateur Avildsen, devenant de plus en plus difficile, prenant même en grippe l'acteur John Travolta, trouvant ce dernier trop gras et prétendant que ce dernier ne pouvait pas danser. Et en plus, le réalisateur cherchait à alléger l'ambiance sombre du long-métrage, cherchant à recréer le même style qui lui permit de remporter l'Oscar du meilleur réalisateur sur le film Rocky. Avildsen sera alors renvoyé de la production, mais avant son départ, le metteur en scène embauchera l'ancien boxeur Jimmy Gambina, qui avait travaillé avec Sylvester Stallone sur Rocky, pour mettre Travolta en forme. De plus, le danseur et chorégraphe Danny Terrio sera embauché pour éduquer Travolta dans le monde de la danse disco. 3 semaines seulement avant le début du tournage, ce sera le jeune réalisateur John Badham qui sera embauché pour réaliser le long-métrage, ce dernier étant presque inconnu car, tout comme sa star, le réalisateur avait surtout travaillé pour la télévision. Son seul crédit de film antérieur, The Bingo Long Traveling All-Stars and Motor Kings, est sorti alors que Saturday Night Fever était en production depuis quelques temps. Issu d'une famille théâtrale, le directeur britannique venait d'être renvoyé de la réalisation de The Wiz, car ce dernier s'opposait à ce que l'actrice Diana Ross, alors âgée de 33 ans, soit choisie pour le rôle de Dorothy. Ce sera l'assistant de Stigwood, Kevin McCormick, qui lui enverra une copie du scénario de Saturday Night Fever et le réalisateur acceptera alors rapidement le poste et se dirigera vers la ville de New York, endroit que Badham ne connaissait pas et qui devait être le lieu de tournage de la production. Ce sera John Travolta lui-même qui fera visiter Manhattan et Brooklyn au jeune réalisateur. Par la suite, Badham embauchera le chorégraphe afro-américain Lester Wilson afin de travailler avec Travolta sur les chorégraphies de danse, ce qui changera totalement l'allure du film. En effet, Travolta avait appris les mouvements de danse avec Danny Terrio, mais c'est véritablement Wilson qui fera le lien entre chacun des mouvements, apportant la fluidité dans les segments de danse filmés avec Travolta. Lloyd Kaufman, futur cofondateur de la compagnie de production Troma Entertainment, sera en charge de trouver les lieux de tournage. Kaufman fera le tour des différentes discothèques de Manhattan, Brooklyn et Queens, envisageant même à un certain moment de convertir un loft en discothèque avant de décider finalement d'aller au 2001 Odyssey à Bay Ridge. Ce sera d'ailleurs à Bay Ridge que sera entièrement tourné Saturday Night Fever, à l'exception de 2 jours de tournage sur le West Side de Manhattan et les scènes du pont Verrazano Narrows. Dû au maigre budget du film, la distribution sera composée principalement de jeunes acteurs inconnus, 40 % de ceux-ci faisant leur début devant la caméra. Ces acteurs et actrices proviendront majoritairement du milieu théâtral de New York. Pour le rôle de Stephanie, les actrices Jessica Lange, Kathleen Quinlan, Carrie Fisher et Amy Irving furent toutes considérées pour le rôle, mais ce sera finalement l'actrice de 32 ans, Karen Lynn Gorney, qui fut engagée un jour avant le début du tournage, cette dernière ayant obtenu son audition après avoir partagé accidentellement un taxi avec le neveu du producteur Robert Stigwood. Du côté de l'actrice Donna Pascal, cette dernière était considérée presque trop jolie par les producteurs pour le rôle d'Annette. Elle corrigera ce problème en prenant plus de 40 livres pour le rôle et devra également réapprendre son accent natif de Brooklyn, accent qu'elle avait travaillé à perdre lorsque celle-ci avait pris ses cours de théâtre au American Academy of Dramatic Arts. Après la fin de la production, elle a immédiatement perdu le poids qu'elle avait gagné pour le rôle et a finalement abandonné de nouveau son accent. Elle auditionnera plus de 6 fois au total pour obtenir le rôle d'Annette, soit 3 fois avec le réalisateur John Avildsen et 3 autres fois avec le metteur en scène John Badham. La mère et la sœur de John Travolta seront également de la distribution, Hélène Travolta, sa mère, interprétant une cliente du magasin de peinture, alors que sa sœur, Anne Travolta, tiendra le rôle de la femme à la pizzeria. Durant son entraînement, Travolta perdra plus de 20 livres. Le tournage débutera le 14 mars 1977 et déjà le buzz dans la région avait atteint son paroxysme. Dès le premier jour de tournage, qui se trouvait à l'extérieur du studio de danse, McCormick reçut un appel du directeur de la production l'avertissant que plus de 10 000 jeunes étaient dans les rues afin d'assister au tournage et à l'arrivée de Travolta sur le plateau. Armée de seulement 4 agents de sécurité, la production dut fermer pour le reste de la journée car il y avait tellement de monde qu'il était impossible de tourner sans avoir plus de 15 000 personnes bruyantes amassées dans la rue. Pour éviter les foules, l'équipe de production devra sortir de faux horaires de tournage et débutèrent la réalisation des scènes à partir de 5h30 le matin, alors que d'autres seront déplacés en pleine nuit. De plus, le tournage à Brooklyn apportera une toute nouvelle série de défis. En effet, l'emplacement choisi était un quartier difficile et la production commencera à avoir des problèmes avec les gangs de rue et la pègre. Durant le tournage, une bombe incendiaire sera lancée sur la discothèque où était tourné le film, événement qui ne causera aucun dommage sérieux. Voulant voir des membres de leur gang être embauchés sur la production, ces groupes de jeunes mirent de la pression et exigèrent plus de 7 000 $ pour assurer la sécurité des plateaux de tournage, ce qu'opéra le producteur pour gagner la paix. Le pont Verrazano Narrows domine le film Saturday Night Fever comme une structure presque mythique. Nommé d'après l'explorateur italien du 16e siècle Giovanni da Verrazano, le pont est une source de fierté ethnique pour les Italo-Américains. Lors de son ouverture le 21 novembre 1964, c'était le plus long pont suspendu du monde, reliant Brooklyn et Staten Island. L'équipe de production passera plus de 3 nuits épouvantables à filmer sur ce pont, la température passant du gel au sol à des températures excessivement chaudes. Les vents violents ont également posé des menaces supplémentaires à l'équipe de tournage et aux cascadeurs. Doublant Travolta pour une séquence où la caméra regardait à travers les yeux de Tony Manero, le caméraman, qui portait les chaussures et le pantalon du personnage, filmera à plus de 600 pieds de hauteur, n'étant retenu par sa ceinture que par son assistant. Le réalisateur John Badham et John Travolta se sont affrontés à plusieurs reprises sur le plateau de tournage. Lorsque Travolta verra pour la première fois les roches de la scène d'ouverture, qui se trouve à être la célèbre promenade le long de la 86e rue de Brooklyn au rythme de Staying Alive, l'acteur fut remplacé par un body double pour filmer à partir des genoux vers le bas. Travolta insistera sur le fait que son personnage ne pouvait pas marcher de cette façon et exigera que la scène soit retournée, cette fois-ci avec Travolta lui-même se pavanant sur la rue. Un autre accrochage surviendra entre Travolta et Badham lorsque l'acteur aura son premier aperçu de la manière dont son grand solo de danse avait été édité au montage. L'acteur sera alors en colère parce que la séquence était montée avec une série de plans rapprochés, de sorte que tout son travail acharné sur lequel il avait travaillé pendant 9 mois fut coupé au niveau des genoux. Pour Travolta, ce dernier était persuadé que la scène fonctionne, il devait être vu de la tête aux pieds. L'acteur appellera alors le producteur Robert Stigwood pour se plaindre du résultat final, face à quoi le producteur donnera alors carte blanche pour que Travolta réédite la scène avec le monteur, malgré les objections de Badham. D'ailleurs, Travolta s'est inspiré de sa jeunesse pour la façon d'être de son personnage. En effet, Travolta admirait les Afro-Américains de son école pour leur démarche plutôt cool pour l'époque et imitera cette dernière pour la démarche de Tony. De plus, lorsqu'il étudiera son personnage, l'acteur se faufilera déguisé à la discothèque Odyssey 2001 et étudiera les danseurs cool et agressifs sur la piste de danse. Lorsqu'il sera reconnu, l'acteur remarquera alors le comportement alpha des mâles de la discothèque qui repoussaient leurs accompagnatrices de l'acteur d'une manière chauviniste. Il n'y avait pas d'effets spéciaux dans Saturday Night Fever à l'exception de la fumée qui montait de la piste de danse. Il ne s'agissait pas ici de neige carbonique ou d'une machine à fumer, mais plutôt d'un mélange toxique de goudron brûlant et de pneus d'automobile pris dans une ruelle de Rebridge. Cela créera une telle chaleur et une immense quantité de fumée qu'à un certain moment, on dut transporter de l'oxygène à Travolta. La production se donnera également beaucoup de mal et dépensera plus de 15 000 $ pour mettre des lumières sur la piste de danse, lumières qui seront conçues pour vibrer au rythme de la musique. Les murs seront alors recouverts de papier d'aluminium et de lumières de Noël, ce qui augmentera le visuel de la place, au grand bonheur du propriétaire du club. À l'origine, Travolta et Badham voulaient que le costume disco du personnage de Tony soit de couleur noire, couleur que les hommes avaient tendance à porter à l'époque. Cependant, ce sera la costumière Patricia von Brandenstein qui les convaincra que celui-ci devait être blanc pour des raisons pratiques, un costume sombre ne se photographiant pas très bien dans une discothèque sombre. Brandenstein amènera alors Travolta dans un magasin de vêtements pour hommes bon marché de Brooklyn et achètera 3 costumes identiques et ce, directement de sur le rack. Les 3 costumes étaient nécessaires pour que la production n'ait pas à arrêter le tournage quand le costume que porterait Travolta deviendrait imbibé d'eau dû à la transpiration de l'acteur. 2 des costumes ont disparu après la fin du tournage, alors que le 3e, signé par Travolta, a été acheté lors d'une vente aux enchères en 1979 par le critique de cinéma Gene Siskel de Siskel & Ebert. Le critique citera de son vivant que Saturday Night Fever était l'un de ses films préférés. Il paiera la modique somme de 2000 $ pour l'obtention de la pièce, qu'il revendra plusieurs années plus tard pour plus de 145 000 $. L'image emblématique de l'affiche du film avec John Travolta en costume blanc, un bras pointé vers le haut, l'autre pointé vers le bas, n'était pas un plan prévu. En effet, c'est à la suite d'une longue journée de travail de plus de 15 heures que le photographe responsable de la publicité prendra quelques images sur le plateau de tournage. Durant la prise de vue, ce dernier demandera à Travolta de réaliser une série de poses. L'acteur s'exécutera et 3 mois plus tard, alors que les hauts dirigeants de la maison de production Paramount Pictures cherchaient des idées pour l'affiche du film, ces derniers tombèrent sur cette image qui allait alors devenir l'une des images les plus iconiques de l'histoire du cinéma. Une tragédie personnelle allait survenir pour Travolta durant la production de Saturday Night Fever. En effet, la petite amie de cœur de l'acteur, l'actrice Diana Hyland, développera un cancer du sein. Travolta fera de nombreux voyages de New York à Los Angeles pour être avec elle pendant sa maladie et était donc dans un état constant de décalage horaire et de détresse émotive et psychologique. Deux semaines après le début du tournage, Travolta s'envolera pour la côte ouest pour la dernière fois. Diana mourra dans ses bras le 27 mars 1977, au très jeune âge de 41 ans. La production sera alors brièvement interrompue pour permettre à Travolta d'assister aux funérailles. Dès le début de la production, le producteur Robert Stigwood avait en tête le groupe des Bee Gees pour la musique de son long-métrage. Se rendant en France pour leur demander d'écrire la bande originale, Stigwood arrivera alors que le groupe était occupé à mixer un album live. Les Bee Gees étaient composés de trois frères, Barry, Robin et Morris Gibb, qui sont nés tous les trois sur l'île de Man et qui grandirent en Australie. La renommée rapide et la richesse ont exercé une pression énorme sur le groupe qui se retrouvera alors à cette époque inondé de problèmes de drogue, d'alcool ainsi que de problèmes juridiques. Cependant, l'arrivée de Stigwood remettra le groupe sur la bonne voie. Après avoir décliné une offre de lecture du scénario, ces derniers reviendront au producteur trois jours plus tard avec une cassette contenant des versions de démonstration des chansons telles que Staying Alive, Night Fever et How Deep Is Your Love. Le producteur fut emballé par les chansons et embauchera alors les trois frères pour réaliser la trame sonore du film. Durant la production, on tournera les séquences de danse avec les pièces démo des chansons des Bee Gees ainsi que sur la musique de Stevie Wonder et de Buzz Skaggs. Cependant, en post-production, un problème majeur surviendra lorsque les versions finales des chansons des Bee Gees seront livrées et que l'éditeur constatera que le tempo était beaucoup plus lent que sur les cassettes démo utilisées sur le plateau lors du tournage et par conséquent, les séquences de danse étaient en décalage avec ces nouveaux enregistrements. Après de nombreuses inquiétudes, les monteurs de son ont finalement trouvé un moyen de synchroniser les images avec précision avec la bande originale finale. Malheureusement, avec le temps, la relation entre Stigwood et les Bee Gees se compliquera lorsque le groupe déposera en octobre 1980 une poursuite de 136 millions de dollars contre lui alors qu'il était leur agent à cette époque, prétendant que ce dernier leur avait volé plusieurs millions de dollars en redevances. Stigwood répliquera alors avec sa propre poursuite de plus de 318 millions de dollars, accusant les frères Gibbs de diffamation, de calomnie, d'extorsion et de rupture de contrat. Le tout se réglera hors cours entre les deux parties. Un autre problème musical surviendra pour la scène de répétition entre les personnages de Tony et Stephanie environ 30 minutes après le début du film, Badam ayant utilisé la chanson « Lowdown » de Buzz Skaggs en arrière-plan lors du tournage de la dite scène. Cependant, à peine avait-il terminé le tournage de la séquence que les gens de Skaggs annoncèrent qu'ils ne pouvaient pas utiliser cette chanson car le chanteur envisageait de poursuivre lui-même son propre projet disco. Ce sera finalement le compositeur David Shire qui sauvera la situation en écrivant un morceau de musique instrumentale pour la séquence, mais les acteurs durent tout de même reprendre leur dialogue en post-production. Le film portait à l'origine le titre de Tribal Rights of the New Saturday Night, soit le titre original de l'article du magazine New York qui l'avait inspiré. Mais le titre sera finalement raccourci en Saturday Night en référence directe au fait que Tony et ses amis se rendaient au 2001 Odyssey le samedi soir. Cependant, lorsque les Bee Gees ont soumis la bande originale, l'une des chansons Night Fever sera l'inspiration finale du metteur en scène John Badham, qui ajoutera le mot Saturday en avant du titre de la chanson, clôturant ainsi le dossier du titre du film. Mais les problèmes de Saturday Night Fever ne se terminent pas ici. En effet, le langage cru utilisé et les scènes de sexe mettaient quelque peu mal à l'aise Michael Eisner, nouvellement installé à la tête de la production de la Paramount. De plus, lors des avant-premières à Cincinnati et à Columbus, la moitié du public sortira à cause du langage vulgaire et de la scène du viol, ce qui forcera alors une confrontation entre Eisner et Stigwood. Après une sortie populaire du film en 1977, qui aura alors à ce moment-là une cote restricted aux États-Unis, Saturday Night Fever sera de nouveau distribué en salle en 1979 avec une version censurée de plus de 7 minutes, non seulement pour attirer un public plus large, mais aussi en vue d'une diffusion à la télévision. Les blasphèmes, la nudité, une séquence de combat et une séquence de viol multiple dans une voiture seront tous atténués ou tout simplement supprimés et remplacés par des prises alternatives tournées de ces mêmes scènes. Le film amassera plus de 25,9 millions de dollars au cours des 24 premiers jours de sa sortie et rapportera en moyenne 600 000 dollars par jour de janvier à mars pour atteindre les quelques 94,2 millions de dollars bruts amassés sur le continent nord-américain. Travolta sera alors nominé aux Oscars en 1978 pour le prix du meilleur acteur, devenant à cette époque le plus jeune acteur à obtenir une nomination, mais perdra contre Richard Dreyfuss, qui remportera l'Oscar pour sa prestation dans le film The Goodbye Girl. Cependant, Travolta se reprendra en remportant le prix du meilleur acteur au National Board of Review Awards de 1977. De plus, les Bee Gees remporteront, eux, le Grammy Award de l'album de l'année pour la bande originale du film Saturday Night Fever aux Grammy Awards de 1979. Pour l'écrivain Nick Cohn, celui-ci continuera d'écrire pour le New York Magazine, mais sera inculpé en 1983 de trafic de drogue et de complot pour avoir importé pour 4 millions de dollars d'héroïne. Après avoir refusé de témoigner, l'homme verra les accusations portées contre lui être abandonnées. Cependant, il sera condamné à 5 ans de probation et à une amende de 5 000 $ pour possession. Du côté des Bee Gees, ces derniers seront reconnus coupables de violation de droits d'auteur pour la chanson à succès de 1977 « How Deep Is Your Love » du film « Saturday Night Fever ». Paramount Pictures, qui détenait alors les droits de l'album, qui s'est vendu entre 30 et 40 millions d'exemplaires, a également été reconnu coupable. En 2010, Saturday Night Fever a été jugé culturellement historique et esthétiquement significatif pour l'histoire du cinéma nord-américain par la Bibliothèque du Congrès et sélectionné pour être conservé dans le National Film Registry. Finalement, en 2017, un montage du réalisateur de 122 minutes sera créé et présenté au TCM Festival au Groman's Chinese Theater à Hollywood. Cette version sortira sur Blu-ray et DVD en mai de cette même année. Du côté des points forts, eh bien, considéré comme l'un des meilleurs films de 1977, Saturday Night Fever est une excellente étude des mœurs de la génération disco du milieu des années 70. De plus, l'œuvre cinématographique jette un regard réaliste sur les difficultés rencontrées par des familles immigrantes italiennes vivant dans les quartiers pauvres de Brooklyn. Bien que Travolta soit excellent dans le rôle principal, c'est bien sûr la musique qui est ici la véritable vedette du film, cette dernière donnant l'ambiance parfaite pour ce long métrage dont l'histoire de fond est des plus conventionnelles. Bien que l'on ait l'impression que les mouvements de danse sont faciles, c'est en réalité le travail ardu de Travolta qui nous donne ici cette fausse impression de facilité. L'acteur réalisant ici des mouvements très physiques et exigeants que le chorégraphe Lester Wilson a su agencer avec brio. Le film est cru et ne s'excuse nullement de sa justesse, ce qui pourrait choquer certains auditeurs, mais ce qui nous démontre à quel point l'inégalité des sexes était présente à cette époque et surtout le choc culturel existant entre deux générations, soit l'une pauvre et l'autre beaucoup plus cultivée. Mais du côté des points faibles, eh bien, comme je le disais précédemment, le scénario est loin d'être original, ce dernier étant rempli de clichés, faisant en sorte que le film ne s'anime que dans les scènes situées dans les discothèques. Le reste exploite des situations fort conventionnelles et les personnages sont fortement caricaturales. De plus, les dialogues sont extrêmement simplistes. John Badham nous donne ici une mise en scène très statique, sans aucun aspect spectaculaire, se servant uniquement de la musique et des talents de sa vedette pour divertir son auditoire. Au final, la vision de la femme est de bon niveau ici, les personnages féminins étant pratiquement des objets pour le mâle chauvisme, une dure réalité de cette époque qui pourrait offusquer les féministes de notre époque. Pour bien savourer Saturday Night Fever, il vous faut être capable de reculer dans le temps et de vous adapter à cette époque dure de la vie dans les quartiers pauvres américains des années 1970. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur David Shire, ce compositeur américain qui avait réalisé les trames sonores des films The Taking of Pelham 1-2-3, la version 1974, The Conversation et All the President Men, qui s'occupera de réaliser les moments instrumentaux de la trame sonore. Mais ce seront les Bee Gees qui seront vraiment la vedette ici, l'album se vendant à plus de 15 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis. Saturday Night Fever, qui deviendra l'album de bande sonore de film le plus vendu de tous les temps, avant d'être surplanté par celui de The Bodyguard quelques 15 ans plus tard. Saturday Night Fever fut l'album numéro 1 des charts Billboard pendant toute la première moitié de 1978 et est resté dans les charts jusqu'en mars 1980, longtemps après la mort supposée du disco. Pour la trame sonore du film, eh bien, cette dernière est sortie sur vinyle et bien sûr en cassette 4 pistes en 1977, mais elle a été ressortie en CD sous l'étiquette Rhino Records le 10 juillet 2007 et aura une édition deluxe le 17 novembre 2017, édition qui sera également disponible sous l'étiquette Rhino Records. Je vous fais écouter ici la chanson Night Fever des Bee Gees. Come to order, pay attention just once. We have a lesson to teach to the dunce. Is the candy good conviction? Now don't they see it perfection? Have we got a good selection? We invite your close inspection. Is the ice cream not delicious? Helpful, tasty, or nutritious? Is the popcorn crisp and helpful? Yeah, it is sure a mouthful. Is the soda cold and fizzy? Vitamins keep the bubbles busy. That's good, the lesson is learned. The trip to the sweet spot you have earned. Now is time for intermission. Treat yourself to some nutrition. There's something about a Big Mac that keeps me coming back. You're the one to keep coming back. There's something about a Big Mac that keeps you coming back. Keeps you coming back. Coming back to that Big Mac. Isn't the two all beef patty special sauce? Lettuce and cheese. On the pickles and onions on a bun. Could it be those sesame seeds at McDonald's? There's nothing without the sesame seeds. We do it all for you. Keep coming back to a Big Mac. Ooh, you're looking good. Got the style that glows. National, with tomorrow's fashions, today will make you the star of the disco crowd. Get your National credit card in just 90 seconds. Buy it today. Be a disco star tonight. Check us out. Downtown on Randolph Street, Lincoln near Belmont, Halsted at 63rd. National will help you be the star of the disco crowd. National clothes. And now from Budweiser, the taste buds. Yeah, you've been funky. Get thirsty. I'm all hustled out, man. Yeah, me too, man. The dancing game. What are we gonna do about this thirst thing? Get fun. Budweiser asks, why do you think they call them taste buds anyway? Disco the night away at the Galaxy, West Suburban Addison, Illinois' new million-dollar discotheque, the Galaxy, with an exciting sound-activated dance floor, disc jockeys to keep you dancing all night, an ultrasonic system adding new dimensions to sound, free dance instructions too, plenty of free parking at the Galaxy Discotheque, adjacent to the Stardust Bowl at 37 East Lorraine, just a mile west of 294 on Lake Street, then south on Addison, the Galaxy Discotheque. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. On rencontrait pas tous les jours des types comme moi à l'époque où j'habitais Brooklyn. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déménagé à Manhattan. Vous le connaissez, c'est Tony Manero. Il a le physique. Il a le cran. Il a la technique. Tout ce qu'il n'a pas encore eu, c'est sa chance. Alors tu crois que c'est parce que c'est toi qui es dans le show et pas moi que c'est de la concurrence? Oui. C'est bien ça, mais c'est pas de la concurrence. Mais c'est quoi alors? C'est de l'envie. S'il veut être le premier... Qui peut jamais être sûr que ça va lui arriver? Il va falloir qu'il donne tout ce qu'il a. Si tu veux danser ici, alors tu obéiras à mes règles. Et je te mènerai une vie si dure que tu te croiras prêt à crever. Paramount présente... John Travolta. Dans une production de Robert Stigwood. Mise en scène de Sylvester Stallone. Staying Alive. Écrase, t'as jamais eu ce qu'il faut pour moi, oui. Pas ce qu'il faut pour moi, oui. Exact. On a écouté ça. Je t'aime, Jake. Les gens comme toi ne sont pas des personnes, ce sont des exercices. J'ai mordu pour une fille, Tony, si tu penses que tu viens de m'en parler. Mais tu y es pas, je respecte son style de danseuse. Oui. Et son visage, ses jambes, sa chevelure et tout. Non, mais elle a, comment dire, une abondance de talent. C'est bien la première fois que quelqu'un me met à la porte. Ça n'a rien de personnel, vous savez. Bah alors, à qui ça s'adresse? Il n'y a personne d'autre que moi dans cette pièce. Tu n'as pas le droit de traiter de cette façon. Je te promets que ça n'arrivera plus, Jackie. Ce que tu as, c'est de la rage et de la passion. C'est ça que je veux et qu'il me faut pour réussir ce ballet. Ça restera entre nous, mais tu n'as pas assez d'étoffe. C'est drôle, c'est une blague. Manero, tu es un champion! Cinq ans se sont écoulés, mais la fièvre n'est pas éteinte. Au contraire. Staying Alive. Staying Alive est un drame qui a été distribué par les studios Paramount le 15 juillet 1983. Ce film américain d'une durée de 96 minutes aura coûté 22 millions de dollars à produire, mais amassera plus de 127 millions de dollars au box-office mondial. Derrière le siège du réalisateur, on y retrouve Sylvester Stallone, ce réalisateur américain qui nous avait donné les films Rocky Balboa, Rambo et The Expendables. Au niveau de la production, eh bien, Sylvester Stallone est de nouveau là, lui qui avait produit les films Driven, Homefront et Creed 1 et 2, et il sera aux côtés de Robert Stigwood, ce producteur australien qui avait travaillé sur Evita, Grease 2, Gallipoli et The Fan. Au niveau de la scénarisation, eh bien, Norman Wexler est de retour, ce scénariste américain qui avait travaillé sur les films Joe, Drum, Mandigo et Saturday Night Fever, et il sera assisté ici par Sylvester Stallone, ce scénariste américain qui avait travaillé sur les films Rocky, First Blood et Cliffhanger. Au niveau de la distribution, eh bien, on y retrouve l'acteur John Travolta, Cynthia Rhodes, Finola Hughes, Steve Inwood, Julie Bovasso, Charles Ward, Norma Donaldson, Jesse Doran, Joyce Heiser, Frank Stallone et Kurtwood Smith. Vainqueur d'un concours de danse dans une discothèque de Brooklyn, un jeune homme croit pouvoir entreprendre une carrière de danseur au cœur de New York et rêve de devenir une vedette sur la scène de Broadway. Staying Alive est une chanson écrite et interprétée par les Bee Gees pour le film Saturday Night Fever en 1977. Cette chanson grimpera rapidement pour atteindre la première place du Billboard le 4 février 1978 et y restera pendant plus de 4 semaines consécutives. La chanson deviendra par le fait même l'un des morceaux les plus reconnaissables du groupe de musique. Maintenant devenu l'agent des Bee Gees, le producteur de Saturday Night Fever, Robert Stigwood, commencera à planifier une suite peu de temps après la sortie du film à succès de 1977. Il approchera de nouveau le scénariste Norman Wexler pour écrire le nouveau scénario. John Travolta était ouvert à l'idée d'une suite, mais n'aimait pas le pessimisme du scénario final de Wexler, pensant que son personnage, Tony Manero, avait besoin de connaître plus de succès en tant que danseur. C'est alors que Travolta refusera un contrat de plus de 10 millions de dollars pour jouer dans le nouveau long-métrage. Stigwood et les dirigeants de la Paramount Pictures passeront les années suivantes à essayer de convaincre le jeune acteur de tourner avec la version du scénario de Wexler tel qu'il était écrit, mais sans succès, et le projet sera alors considéré comme abandonné. Ce ne sera pas avant 1981 que Stigwood rencontrera de nouveau Travolta sur le projet et lui demandera sa vision du futur pour son personnage de Tony Manero et sur la façon dont une suite devrait se dérouler. Ce sera alors Travolta qui sera derrière l'idée que son personnage tente une carrière de danseur à Broadway et que ce dernier se trouvera un rôle de premier plan en raison de son talent. Norman Wexler retournera alors à l'écriture et réalisera une nouvelle version du scénario, mais cette fois-ci basée sur les idées de Travolta, ce qui permettra alors à l'acteur d'accepter finalement de jouer dans cette suite, bien que ce dernier ne soit pas d'accord encore une fois avec la fin pessimiste, mais beaucoup plus réaliste de Wexler. Après le visionnement du drame sportif Rocky III, Travolta fut impressionné par le travail de metteur en scène de Sylvester Stallone et suggérera ce dernier au producteur Robert Stigwood, désirant travailler avec un réalisateur qui pourrait apporter l'énergie et le rythme de Rocky III à Staying Alive. À la surprise de l'acteur, Paramount Pictures, avec l'aide du chef de studio de l'époque Michael Eisner, discuteront du projet avec Stallone, qui acceptera alors le poste. Dès son départ, Travolta parlera à Stallone de son malaise avec la fin pessimiste du scénario de Wexler et lui parlera de son idée d'une fin plus heureuse et plus dynamique. Stallone réécrira alors le scénario pour mieux correspondre à la vision de Travolta et en profitera pour se servir de son passé difficile où il vivait dans la pauvreté en cherchant à se faire une place à Hollywood afin de donner plus de maturité au personnage de Manero. Finalement, il rendra le langage plus docile pour s'assurer qu'il obtienne une cote plus familiale et ainsi aller chercher un auditoire beaucoup plus vaste. Un problème surviendra alors avec la Writers Guild of America parce que Stallone avait procédé à la réécriture du scénario indépendamment de Wexler et l'avait soumis par l'intermédiaire de la Paramount à la Guild en portant uniquement le nom de Stallone. La Writers Guild devra faire l'arbitrage et forcera alors Paramount à garantir le crédit de co-auteur à Wexler. Les Bee Gees avaient initialement développé plus de chansons pour le film, mais après des différences créatives avec la star John Travolta, les Bee Gees quittèrent brusquement le projet, forçant alors Sylvester Stallone à embaucher à la dernière minute son frère Frank pour fournir le reste des chansons de la bande originale. Par la suite, arrivera le temps de choisir la distribution. Parce que Stallone désirait une suite qui plairait à tout le public, plusieurs membres de la distribution du film original, qui voulaient reprendre leur rôle, seront alors écartés, le réalisateur ne se concentrant uniquement que sur le personnage de Tony Manero, dont la personnalité aura été totalement changée, ce dernier ne buvant plus, ne se droguant plus et ayant supprimé les épithètes raciales de son vocabulaire. Alors qu'en novembre 1982, le chorégraphe Denon Rawles était en train de passer les auditions pour des danseurs expérimentés, Stallone embauchera les actrices Cynthia Rhodes, qui avait joué dans les films Xanadu et Flashdance, ainsi que Finola Hughes, qui avait fait ses débuts dans le drame musical de 1980, The Apple. De plus, sous la supervision de Stallone, John Travolta passera plus de 5 mois à suivre un entraînement rigoureux pour développer son physique. Cet entraînement impliquerait plus de 3 heures de répétition de danse suivie de 2 heures d'haltérophilie. Anecdote amusante sur la distribution, l'acteur Patrick Swayze fera ici un caméo dans Staying Alive où il dansera avec l'actrice Cynthia Rhodes. Les deux acteurs se retrouveront 3 ans plus tard sur le plateau de tournage de Dirty Dancing. Le tournage débutera au début de janvier 1983 à New York et se terminera le 17 mars de cette même année. Toutes les chorégraphies du long-métrage seront réalisées par Denon et Saber Rawles. De plus, l'actrice Donna Pescau, qui était de la distribution de Saturday Night Fever en 1977, tournera quelques scènes, mais malheureusement, ces scènes furent supprimées au montage final. Le tournage sera marqué par un conflit entre la Paramount Pictures et l'International Alliance of Theatrical Stage Employees concernant l'utilisation de membres de l'équipe de production provenant de Los Angeles alors qu'ils se trouvaient sur place à New York. Le chef du syndicat accusera alors Stallone d'avoir violé le contrat de Paramount avec ce même syndicat qui garantissait l'emploi exclusif aux membres d'équipage local pendant la production dans la région de New York. Bien que le contrat ait expiré, la procédure standard de l'industrie considérait à honorer ces mêmes conditions jusqu'à ce qu'un nouveau contrat puisse être négocié. Le vice-président de Paramount, en charge des relations de travail, prétendra que la violation était survenue après que l'équipe de Los Angeles effectuera de simples tests de caméra l'après-midi et le soir. Cependant, l'IATS déterminera que les tests de caméra constituaient une violation grave et laissera entendre que beaucoup plus de prises de vue eurent lieu. La IATS menacera d'arrêter la production, mais finalement, le différend se réglera rapidement. Staying Alive sera l'un des 2 seuls films de la filmographie de Sylvester Stallone où ce dernier réalisera et écrira un long métrage dont il n'occupait pas un rôle principal ou un rôle de soutien. 3 mois après la fin du tournage, le long-métrage aura sa grande première au Chinese Theatre de Los Angeles, soit le 11 juillet 1983. Les Bee Gees, qui avaient contribué à plus de 5 chansons dans le film, n'étaient pas satisfaits du placement de leur musique dans ce dernier et refusèrent d'assister à cette première. Staying Alive sortira en salle officiellement le 15 juillet 1983 et sera alors accueilli par des critiques très négatives. Cependant, des revenus de 13 millions de dollars au cours des 3 premiers jours de sa sortie montrera l'engouement du public pour le long-métrage, le film ayant le meilleur week-end pour un film musical jamais réalisé à cette époque. Au final, le film amassera plus de 65 millions de dollars au box-office nord-américain. Bien que la recette finale ait été nettement inférieure à Saturday Night Fever, Staying Alive se classera néanmoins parmi les 10 films les plus rentables de 1983. Du côté du frère cadet de Stallone, Frank, sa chanson « Far From Over » obtiendra la 10e place du Billboard de cette année. Suite à sa sortie en salle, Staying Alive n'obtiendra que des nominations dans différents événements par la suite, soit celle de la meilleure chanson à Frank Stallone et Vince DiCola pour « Far From Over » au Golden Globe de 1984, une nomination pour la meilleure bande originale du film au Grammy Award de 1984, ainsi que 3 nominations au Razzie Award de 1984, soit celui du plus mauvais acteur, John Travolta, de la pire nouvelle vedette, Finola Hughes, et du plus mauvais second rôle féminin, encore une fois, occupé par l'actrice Finola Hughes. en 2021, la chanson Staying Alive sera placée au 99e rang sur la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Pour le scénariste Norman Wexler, après avoir signé le scénario du film Raw Deal en 1986, qui mettait en vedette l'acteur Arnold Schwarzenegger, celui-ci se concentra sur sa carrière de dramaturge. Plusieurs de ses scènes seront produites à l'extérieur de Broadway et dans des théâtres régionaux. Sa dernière pièce à voir le jour, sur les planches, sera Forgive Me, Forgive Me Not, qui sera présentée à Los Angeles en 1996 et qui lui donnera le prix d'écriture dramatique Julie Harris 3 ans avant sa mort. Wexler décédera d'une crise cardiaque le 23 août 1999 à l'âge de 73 ans. Du côté des Bee Gees, le groupe restera en fonction jusqu'à la fin des années 2000. Maurice Gibb décédera subitement le 12 janvier 2003 à l'âge de 53 ans des suites d'une crise cardiaque. Son frère Robin, lui, décédera le 20 mai 2012 suite à des complications reliées à son cancer du foie. Seul Barry est encore en vie à ce jour. Finalement, le producteur Robert Colin Stigwood, qui fut le gérant des Bee Gees pendant plusieurs années, décédera à Londres le 4 janvier 2016, à l'âge de 81 ans. Du côté des points forts, eh bien, la mise en scène dynamique de Stallone permettra au segment de danse d'être beaucoup plus spectaculaire que ceux que l'on voit dans Saturday Night Fever. D'ailleurs, tout comme Rocky III, on a vraiment l'impression ici d'assister à un long vidéoclip, tout spécialement pour la scène finale du long-métrage. Au niveau de la chimie entre les comédiens, celle entre Travolta et Cynthia Rhodes est parfaite et l'on s'attache réellement aux deux personnages. Finalement, le film devient meilleur à partir du moment où le personnage de Tony commence à beaucoup plus focusser et à devenir beaucoup plus sérieux sur sa carrière et sa vie amoureuse. De plus, il est plaisant de voir au moins un personnage du film précédent, soit la mère de Tony. Mais du côté des points faibles, eh bien, malheureusement, le scénario est d'une nullité déconcertante, les dialogues et l'intrigue étant tout simplement simplistes à un point tel qu'il aurait pu être écrit par un adolescent. L'aspect disco ainsi que le réalisme de Saturday Night Fever a totalement disparu ici. D'ailleurs, même la musique, qui était encore ici la véritable vedette du film, est loin d'égaler celle du film original et nous laisse quelque peu sur notre faim. Bien que la réalisation de Stallone soit dynamique, celle-ci demeure tout de même statique et sans inspiration. De plus, le film se veut beaucoup plus une suite de la vie de Tony Manero qu'une suite au film de Saturday Night Fever. Au grand final, le personnage de Tony Manero est totalement antipathique, ce qui ne permet pas au spectateur de vraiment s'intéresser à lui, ce dernier étant stupide et se comportant en un véritable prédateur sexuel, comme s'il n'avait eu aucune évolution depuis le premier film. De plus, par moments, Tony n'est qu'une pâle copie de Rocky Balboa, ce qui force le spectateur à se demander si cette suite était vraiment nécessaire et si celle-ci apporte vraiment de quoi de nouveau à l'histoire de notre personnage principal. Au niveau de la trame sonore du film, eh bien, on y retrouve des chansons des Bee Gees, des chansons de Cynthia Rhodes, Frank Stallone ainsi que Tommy Farragher. Cette trame sonore a été mise sur le marché le 15 juillet 1983 sur vinyle, sur CD et sur cassette 4 pistes. Je vous présente ici la chanson thème « Staying Alive » des Bee Gees. We'll be right back. Côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film Saturday Night Fever 5. J'y vais également avec une cote 5. Pas un grand film, mais c'est quand même un film important pour la culture de la disco. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma y va avec une cote pour tous. Pas tellement d'accord. Moi, j'y vais avec une cote 14 ans, surtout pour un contenu qui est mature. C'est pas véritablement un film pour toute la famille. Du côté de Staying Alive, eh bien, Mediafilm a coté le film 5. J'y vais également avec une cote 5. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma cote le film général. J'y vais également avec une cote pour tous. Au niveau de la disponibilité en DVD et en Blu-ray disc, eh bien, Saturday Night Fever est disponible en DVD et en Blu-ray disc dans les deux langues, français et anglais, alors que Staying Alive, lui, n'est disponible qu'en DVD dans les deux langues. Il est possible également pour vous de trouver sur le marché le Saturday Night Fever Staying Alive Double Features, donc c'est un DVD qui comprend les deux films dans le même coffret. Ça, c'est bien sûr en DVD. Malheureusement, les deux films sont en version anglaise uniquement, mais vous avez quand même les sous-titres en français. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double. Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.